La délégation des juristes coréens au Japon, conduite par Im Kyung-ha, a déposé un bouquet de fleurs le 17 courant devant les statues des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de s'incliner. Elle est arrivée à Pyongyang par vol le même jour.